Chapitre 9e. Un moment de silence suivit l'entrée du vieillard aveugle dans le salon. Du Tertre s'avança vivement au-devant de son père, prit une de ses mains tremblantes et la serrant avec émotion, lui dit « Rassurez-vous, mon père, ce n'est rien. Une simple discussion d'affaires, un peu vive. Permettez-moi de vous reconduire chez vous. » « Charles, dit l'aveugle en secouant tristement la tête, ta main est froide, tu frissonnes, ta voix est altérée. « Il se passe ici quelque chose que tu veux me cacher. »« Vous ne vous trompez pas, monsieur, » dit Pascal au vieillard. « Votre fils vous cache quelque chose, et dans son intérêt, dans le vôtre, dans celui de votre belle-fille et de ses enfants, vous ne devez rien ignorer. »« Mais, monsieur, rien donc ne peut vous toucher ?» s'écria Charles du Tertre. « Vous êtes donc sans pitié, sans entrailles. » C'est parce que j'ai pitié de votre folle opiniâtreté et de celle de votre femme, mon cher du Tertre, que j'en veux appeler au bon sens de votre respectable père. Charles, s'écria Sophie, quelque cruelle que soit la vérité, dis-la. Ce doute, cette angoisse, est au-dessus de mes forces. Mon fils, ajouta le vieillard, sois franc comme toujours, et nous aurons tous du courage. Vous le voyez, mon cher du Tertre, reprit M. Pascal, « Votre digne père lui-même désire connaître la vérité. »« Monsieur, » reprit Duterte, d'une voix navrante en attachant sur Pascal un regard humide de larmes à peine contenues, « soyez bon, soyez généreux comme vous l'avez été jusqu'ici. Votre pouvoir est immense, je le sais. D'un mot, vous pouvez nous plonger tous dans le deuil, dans le désastre, mais d'un mot aussi, vous pouvez nous rendre au repos et au bonheur que nous vous avons dû. Je vous en supplie, ne soyez pas impitoyable. » À la vue des larmes qui, malgré ses efforts, coulèrent des yeux de Duterte, cet homme si énergique, si résolu, Sophie pressentit la grandeur du péril et s'adressant à M. Pascal d'une voix déchirante. « Mon Dieu, je ne sais pas le danger dont vous nous menacez, mais j'ai peur. Oh, j'ai peur, et je vous implore aussi, M. Pascal. Après avoir été notre sauveur, s'écria Duterte en essuyant les pleurs qui s'échappaient malgré lui. « Vous ne pouvez pourtant pas être notre bourreau !»« Votre bourreau ?» reprit Pascal. « À Dieu ne plaise, mes pauvres amis, ce n'est pas moi, c'est vous qui voulez être les bourreaux de vous-même. Ce mot que vous attendez de moi, ce mot qui peut assurer votre bonheur, dites-le, mon cher Duterte, et notre petite fête sera aussi joyeuse qu'elle devait l'être. Sinon, ne vous plaignez pas du mauvais sort qui vous attend. » « Hélas, vous l'aurez voulu. »« Mais enfin, Charles, si cela dépend de toi !» s'écria Sophie dans une angoisse inexprimable. « Ce mot que demande M. Pascal, dis-le donc, mon Dieu, puisqu'il s'agit du salut de ton père et de celui de tes enfants. »« Vous entendez, votre femme, mon cher Duterte ?» reprit Pascal. « Serez-vous aussi insensible à sa voix ?»« Eh bien donc !» s'écria Duterte, pâle, désespéré. « Puisque cet homme est impitoyable, sache donc tout, mon père, et toi aussi, Sophie. »« J'ai chassé d'ici Marcelange. Monsieur Pascal a un intérêt que j'ignore à ce que cet homme entre dans la maison Durand, et il me demande de garantir à cette maison la probité d'un misérable que j'ai jeté hors d'ici comme un fourbe insigne. »« Ah, monsieur, » dit le vieillard, révolté en se tournant du côté où il supposait Pascal, « cela est impossible !» Vous ne pouvez attendre de mon fils une indignité pareille. Et si je me refuse à cette indignité, reprit Duterte, M. Pascal me retire les capitaux que j'ai si témérairement acceptés. Il me ferme son crédit, et dans la crise où nous sommes, c'est notre perte, notre ruine. Grand Dieu, murmura Sophie avec épouvante. Ce n'est pas tout, mon père, ajouta Duterte. Il faut aussi que ma femme paye son tribut de honte. « Monsieur Pascal est, dit-il, amoureux de Mademoiselle Antonine. Et Sophie doit servir cet amour qu'elle sait impossible. Cet amour que, pour d'honorables raisons, elle désapprouve. Ou sinon, encore une menace suspendue sur nos têtes. Voilà la vérité, mon père. » Subir une ruine aussi terrible qu'imprévue, ou commettre une action indigne, telle est l'alternative où me réduit l'homme que nous avons si longtemps cru généreux et loyal. « C'est bien cela, toujours cela. Ainsi va le monde, » reprit M. Pascal en soupirant et haussant les épaules. tant qu'il s'agit de recevoir des services sans en rendre, oh, alors on vous flatte, on vous exalte. C'est toujours notre noble bienfaiteur, mon généreux sauveur. On vous appelle bonhomme, on vous comble de prévenances, on vous brode des bourses, on vous fête. Les petits enfants vous récitent des compliments, puis vient le jour où ce pauvre bonhomme de bienfaiteur se hasarde à son tour à demander un ou deux malheureux petits services. Alors on crie au gueux, à l'indigne, à l'infâme. Tous les sacrifices compatibles avec l'honneur, vous me les eussiez demandés, monsieur, s'écria Dutertre d'une voix navrée, je vous les aurais fait avec joie. Alors que voulez-vous? Reprit Pascal sans répondre à Dutertre. Si bon homme, si bonasse qu'on le suppose, le bienfaiteur à la fin pourtant se lasse. L'ingratitude surtout lui fend le cœur, car il est né sensible, trop sensible. L'ingratitude? S'écria Sophie en fondant en larmes. Nous, ingrats? Oh mon Dieu! Et comme le bonhomme voit un peu tard qu'il s'est trompé, continua Pascal sans répondre à Sophie, comme il reconnaît avec douleur qu'il a eu affaire à des gens incapables de mettre leur reconnaissante amitié au-dessus de quelque susceptibilité puérile, il se dit qu'il serait aussi par trop bonhomme en continuant d'ouvrir sa bourse à de si tièdes amis. Aussi leur retire-t-il argent et crédit, comme je le fais, étant amené d'ailleurs à cette résolution par certaines circonstances dérivant du refus de ce cher Dutertre que j'aimais tant et que j'aimerais encore tant appeler ainsi. Un dernier mot, monsieur, ajouta Pascal en s'adressant au vieillard. Je viens de vous exposer franchement ma conduite envers votre fils et la sienne envers moi. Mais comme il coûterait trop à mon cœur de renoncer à la foi que j'avais dans l'affection de ce cher Dutertre, comme je sais les mots terribles qui peuvent l'accabler par sa faute, lui et sa famille, je lui accorde encore un quart d'heure pour réfléchir et s'amender, qu'il me donne la lettre en question, que Madame Dutertre me fasse la promesse que j'attends d'elle, et tout redevient comme par le passé, et je demande à grand cri le déjeuner, et je porte un toast à l'amitié. Vous êtes le père de Dutertre, monsieur. Vous avez sur lui une grande influence. Jugez et décidez. Charles, dit le vieillard à son fils d'une voix émue, tu agis en honnête homme, c'est bien. Mais il te reste une chose à faire. Refuser de garantir la moralité d'un misérable, ce n'est pas assez. Hein ? Dit Pascal. Et qu'y a-t-il donc à faire de plus ? « Si Monsieur Pascal, continua le vieillard, donne suite à son pernicieux dessein, tu dois, mon fils, écrire à la maison Durand que, pour des raisons que tu ignores, mais dangereuses peut-être, Monsieur Pascal a intérêt à faire entrer ce Marcelange chez ses honnêtes gens, et qu'ils aient à se tenir sur leur garde, car se taire sur un projet indigne, c'est s'en rendre complice. Je suivrai votre conseil, mon père, répondit Dutertre d'une voix ferme. De mieux en mieux, reprit Pascal en soupirant. À l'ingratitude, on ajoute un odieux abus de confiance. Allons, je boirai le calice jusqu'à la lie. Seulement, mes pauvres ci-devants amis, ajouta-t-il en jetant sur les acteurs de cette scène un regard étrange et sinistre, seulement je crains, voyez-vous, qu'après boire, il ne me reste au cœur beaucoup d'amertume, beaucoup de fiel. Et alors, vous savez, quant à la plus tendre amitié succède une haine légitime. Malheureusement, elle devient terrible, cette haine. « Oh, Charles, il me fait peur !» murmura la jeune femme en se rapprochant de son mari. « Quant à vous, ma chère Sophie, » ajouta le vieillard avec un calme imperturbable et sans répondre à la menace de M. Pascal, « vous devez non seulement ne favoriser en rien, ainsi que vous l'avez fait, des vues de mariage que vous désapprouvez, mais si M. Pascal persiste dans ses intentions, vous devez encore éclairer Mlle Antonine et ses parents sur le caractère de l'homme qui la recherche. Pour cela, vous n'avez qu'à faire connaître à quel prix, infâme, il met la continuation des services qu'il a rendus à votre mari. « C'est mon devoir, » répondit Sophie d'une voix altérée. « Je l'accomplirai, mon père. »« Vous aussi, ma chère Madame Dutertre, » abuser d'une confidence loyale, répondit M. Pascal d'un air doucement féroce, me frapper dans ma plus chère espérance, assez peu généreux. Dieu veuille que je ne me laisse pas aller à de cruelles représailles. Après 2 années d'amitié, se quitter avec de pareils sentiments, il le faut donc, hein ? Ajouta Pascal, en regardant alternativement Dutertre et sa femme. Tout est donc fini entre nous ? Sophie et son mari gardèrent un silence rempli de résignation et de dignité. Allons, dit Pascal en prenant son chapeau. Encore une preuve de l'ingratitude des hommes, hélas ! Monsieur, s'écria Dutertre, exaspéré par l'affectation d'ironique sensibilité de Pascal, en présence du coup affreux dont vous nous écrasez, cette raillerie continue est atroce. Laissez-nous, laissez-nous. Me voici donc chassé de cette maison par des gens qui ont la conscience de m'avoir dû si longtemps leur bonheur, leur salut, reprit Pascal en se dirigeant lentement vers la porte. Chassé d'ici, moi. Ah, cet humiliant chagrin me manquait. Puis s'arrêtant, il fouilla dans sa poche et en retira la petite bourse que Sophie Dutertre lui avait donnée peu d'instants auparavant et la tendant à la jeune femme, il reprit avec son impitoyable accent de contrition sardonique. « Heureusement, elles sont muettes, ces petites perles d'acier, qui devaient me dire à chaque instant combien mon nom était béni dans cette maison d'où l'on me chasse. » Mais, ayant l'air de se raviser, il remit la bourse dans sa poche après l'avoir contemplée avec un sourire mélancolique en disant « Non, non, je te garderai, pauvre petite bourse innocente. Tu me rappelleras le peu de bien que j'ai fait et la cruelle déception qui m'a récompensé. » Ce disant, M. Pascal mit la main sur le bouton de la porte, l'ouvrit et sortit au milieu du morne silence de Sophie, de son mari et de son père. Ce silence accablant durait encore lorsque M. Pascal, revenant et ouvrant à demi la porte, dit à travers un des vantaux entrebâillés « Au fait, j'ai réfléchi. Écoutez, mon cher Dutertre. » Une lueur de folle espérance illumina la figure de Dutertre. Un moment, il crut que, malgré la sardonique et froide cruauté que venait d'affecter M. Pascal, il ressentait enfin quelque pitié. Sophie partagea le même espoir. Ainsi que son mari, elle attendit avec une indicible angoisse les paroles de l'homme qui disposait souverainement de leur sort et qui reprit « C'est samedi prochain votre jour d'échéance et de paix, n'est-ce pas, mon cher Dutertre ? Laissez-moi vous appeler ainsi, malgré ce qui s'est passé entre nous. » « Dieu soit béni. Il a pitié, » pensa Dutertre. Il reprit tout haut. « Oui, monsieur. » « Je ne voudrais point, vous concevez, mon cher Dutertre, » reprit M. Pascal, « vous mettre dans un embarras mortel. Je connais la place de Paris et dans l'état de crise des affaires. Vous ne trouveriez pas un liard de crédit, surtout si l'on savait que je vous ai fermé le mien. Et comme après tout vous aviez compté sur ma caisse pour faire face à vos engagements, n'est-ce pas ?» « Charles, nous sommes sauvés, » murmura Sophie d'une voix palpitante. C'était une épreuve. Dutertre, frappé de cette idée, qui lui parut d'autant plus vraisemblable qu'il l'avait d'abord partagée, ne douta plus de son salut. Son cœur battit violemment. Ses traits contractés se détendirent, et il répondit en balbutiant tant son émotion était grande. « En effet, monsieur, aveuglément confiant dans vos promesses, j'ai compté comme à l'ordinaire sur votre crédit. Eh bien, mon cher Dutertre, afin que vous ne vous trouviez pas dans l'embarras, ainsi que je viens de vous le dire, et comme il vous reste d'ailleurs une huitaine de jours, vous ferez bien de vous précautionner ailleurs, et de ne compter ni sur la place de Paris, ni sur moi. » Et M. Pascal ferma la porte et sortira. La réaction de cet espoir si horriblement déçu fut tellement violente chez Dutertre qu'il tomba sur une chaise, pâle, inanimé, sans force, et il s'écria en cachant sa figure dans ses mains et en dévorant ses sanglots. « Perdu, perdu ! Oh, nos enfants ! » s'écria Sophie d'une voix déchirante en se jetant aux genoux de son mari. « Nos pauvres enfants !» « Charles, » dit à son tour le vieillard en étendant les mains et se dirigeant à tâtons vers son fils. « Mon Charles, mon fils bien-aimé, du courage !»« Mon père, c'est la ruine, c'est la faillite, » disait le malheureux au milieu de sanglots convulsifs. « La misère, oh mon Dieu, la misère pour vous tous !» Un contraste cruel vint porter cette douleur à son comble. Les deux petits enfants, bruyants, joyeux, se précipitèrent dans le salon en criant « C'est Madeleine, c'est Madeleine !»